Cinquième partie, chapitre 1 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Cinquième partie, les avis et les exercices nécessaires pour renouveler et confirmer l'âme dans la dévotion. Chapitre 1. De la nécessité de renouveler tous les ans ses bons propos. Le premier point de cet exercice est d'en bien comprendre l'importance. La fragilité et les mauvaises dispositions de notre chair, qui appesantit l'âme et entraîne toujours vers les choses de la terre, nous font aisément déchoir de nos bonnes résolutions, à moins qu'à force de les soutenir, nous ne tâchions de nous élever souvent vers les biens célestes, comme nous voyons que les oiseaux craignant de tomber de la terre battent toujours l'air de leurs ailes, avec de continuels élancements de leur corps pour entretenir leur vol. C'est par cette raison, Philothée, que vous avez besoin de renouveler souvent vos bons propos pour le service de Dieu, de peur qu'avec le temps, vous ne retombiez en votre premier état, ou plutôt dans un état bien plus mauvais, parce que les chutes que l'on fait dans la vie spirituelle nous mettent toujours au-dessous du point d'où nous nous étions élevés à la dévotion. Il n'y a pas d'horloge, pour bonne qu'elle soit, dont il ne faille remonter les poids de temps en temps, et même démonter toutes les pièces au moins une fois l'année, afin de redresser celles qui ont été forcées, de réparer celles qui sont usées, et de nettoyer les autres où il s'est amassé de la crasse et de la rouille. Et vous savez encore que si l'on en frotte les roues et les ressorts avec un peu d'huile bien fine, les mouvements s'en font plus doucement, et que la rouille ne s'y met pas sitôt. Il faut aussi que celui qui a un vrai soin de son cœur le remonte soir et matin, pour ainsi parler. Et c'est à quoi les exercices que je vous ai marqués lui doivent servir. Et qu'après cela, il en observe souvent les mouvements pour entretenir la régularité. Il faut qu'au moins une fois l'année, il en examine par le menu et en détail toutes les dispositions pour réparer les défauts qui auraient pu s'y glisser et pour le renouveler entièrement, et qu'il tâche d'y faire entrer le plus qu'il pourra de la sainte onction de la grâce que l'on reçoit en la confession et la communion. Cet exercice, Philothée, réparera vos forces affaiblies par le temps, ranimera la ferveur de votre âme, fera revivre vos bonnes résolutions et refleurir en vous toutes les vertus. C'était la pratique des anciens chrétiens qui, le jour qu'on célébrait dans l'église la mémoire du baptême de notre Seigneur, renouvelaient, comme le rapporte saint Grégoire de Nazianze, la profession et les protestations de leur baptême. Prenez donc cette pratique, Philothée, avec beaucoup d'affection et d'application. Choisissez un temps convenable, selon l'avis de votre père spirituel, pour une retraite de quelques jours. Et là, dans un grand recueillement, méditez sur les points suivants, selon la méthode que je vous ai donnée dans la seconde partie. Fin du chapitre 1, cinquième partie.